J'adore quand tu dis que je suis aussi jolie que le premier jour. Mais si tu m'avais vu aujourd'hui au saut du lit, ah mon pauvre amour. Les cheveux en bataille, la culotte qui baille, et les yeux tout bouffis et la laine de chacun. Et si tu crois toujours que je suis belle comme le jour sans aucun effort, que je reste glamour sans rien faire pour, oh mon trésor, il faudrait que tu saches que je me cache pour m'épiler tranquillement la moustache. Mais chérie, je suis tellement belle, tout est naturel. Enfin presque. Bien souvent tu te plains d'entendre à la salle de bain le bruit d'un drone d'engin. Je crie, je pleure, je geins, toi tu comprends pas bien mon masochisme. Non, ce n'est pas le bonheur, l'épilateur, mais une charmante princesse n'a pas de poils aux fesses. Mais oui chérie, je suis tellement belle, tout est naturel, enfin presque. Si tu me voyais le soir m'occuper de mes points noirs, tu serais sûrement verdâtre. Tout comme ce masque d'argile que je mets sur ma peau fragile et blanche comme un plâtre. Les yeux louchant vers le nez, l'air concentré, et dire qu'on appelle ça un rituel de beauté. Mais oui chérie, je suis tellement belle, tout est naturel, enfin presque. Et tu serais surpris de voir que pour te plaire, je dépense la moitié de mon salaire. Coiffeur, pédicure, esthéticienne, c'est pas vraiment une sinécure. Oh, on m'a toujours dit que pour être jolie, fallait juste savoir souffrir. Et puis je veux toujours susciter ton amour et t'entendre me dire. Mais oui chérie, tu es toujours belle et puis très naturelle. Enfin presque.